Chers amis de la communauté, bienvenue pour la première de ces conférences de carême. Cette année, nous avons choisi de nous introduire au mystère de la liturgie, de parler de la liturgie, comment nous sommes appelés à glorifier Dieu par la liturgie. Pour ceux qui ont participé à la dernière récollection pour les étudiants, les jeunes pros à Évron, vous avez déjà entendu parler de ce thème, glorifier Dieu par la liturgie. Vous allez aussi bientôt recevoir, tous ceux qui êtes abonnés, le nouveau numéro de la revue Saint-Martin, dont le dossier porte sur « Glorifier Dieu par votre corps ». Alors bien sûr, c'est plus large que simplement la liturgie, ça nous appelle à réfléchir à d'autres domaines aussi, mais le thème de la liturgie, le thème de la place de la liturgie dans notre vie de prière, y est aussi amené, y est aussi rappelé, introduit et relié avec l'ensemble de notre vie chrétienne. Alors cette première conférence aujourd'hui lance le thème « Qu'est-ce que la liturgie ? L'importance du sacré dans notre vie chrétienne. » Qu'est-ce que la liturgie ? La liturgie, c'est sans doute un des sujets qui peut nous occuper le plus, parfois aussi un sujet de division entre nous, parce que chacun a une approche différente de la liturgie, parce qu'il y a de multiples sensibilités dans l'Église sur la liturgie. On peut voir ces oppositions évidemment d'une manière négative parce qu'elles sont parfois source de souffrance ou en tout cas d'incompréhension. Mais il y a quelque chose derrière ces divisions qui révèle une part positive, c'est que ce qui peut nous opposer parfois, c'est ce qui a de l'importance pour nous. Nous pouvons nous opposer sur des choses qui sont vraiment importantes, fondamentales dans notre vie. Et la liturgie est l'une de ces choses très fondamentales dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans sa mission, dans notre manière d'être chrétien. Alors il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, en 1962, s'ouvrait le Concile Vatican II. Et d'une manière un peu providentielle, sans doute que c'est le jeu des circonstances, mais ça a été en fin de compte très providentiel dans la manière que l'Église a eu de s'adresser aux chrétiens au cours de ce Concile Vatican II. Le premier texte publié par le Concile, ce fut le texte sur la liturgie. Le texte qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, qui est une constitution sur la liturgie. Ce texte aborde l'essence de la liturgie, ce qu'elle est, demande aussi que certaines choses soient rénovées, modifié dans la liturgie pour que la liturgie soit mieux vécue par les chrétiens. Ce texte de Sacrosanctum Concilium donne une définition de la liturgie, je vais vous la donner, elle va peut-être vous paraître un peu complexe, un peu alambiquée, elle est en tout cas assez technique, mais elle soulève quelques points très importants et elle est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique. Si vous êtes familier du catéchisme, vous pourrez vous y reporter dans les numéros 1069 et 1070. Alors, comment est définie la liturgie ? Elle est comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et est réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Christ et par ses membres. Alors, cette définition, évidemment, elle peut nous paraître un peu compliquée. C'est l'affaire de théologiens, de spécialistes. Mais si nous essayons d'y retenir les points les plus essentiels, peut-être qu'une phrase, une phrase d'un philosophe et théologien catholique allemand, qui s'appelle Dietrich von Hildebrandt, peut nous y aider. Il a cette phrase toute simple, qui est comme finalement un résumé de cette longue définition. La liturgie, c'est le Christ en prière. La liturgie, c'est le Christ en prière. Quand nous participons à la liturgie, eh bien nous rejoignons la prière de Jésus. D'abord, la liturgie, c'est une prière. Souvent, nous avons de la prière une conception assez personnelle. La prière, c'est fondamentalement d'abord le cœur à cœur avec Dieu. C'est ce regard jeté vers le ciel. C'est cet élan du cœur. C'est cet élan de reconnaissance et d'amour lancée vers Jésus, lancée vers Dieu. La liturgie, c'est une prière et donc cela va forcément concerner le cœur. Ce sera un des grands défis de la liturgie, d'y être présent par le cœur. Mais en premier lieu, la liturgie nous rappelle que la prière chrétienne, ce n'est pas d'abord ce cœur à cœur intime au sens où nous en aurions l'initiative. Nous nous tournons vers Dieu, c'est nous qui avons l'initiative. La prière chrétienne, c'est d'abord la prière de Jésus, la prière du Christ à son Père. Et c'est vraiment ce que nous dit le Seigneur, quand, vous savez, ses apôtres le voient prier et puis lui demandent « Mais apprends-nous à prier, comment faut-il prier ?» Et Jésus, à ce moment-là, leur dit « Eh bien, ne rabâchez pas comme les païens, vous vous en souvenez, cette parole du Seigneur qui précède l'apprentissage de la prière par excellence, vous direz « Notre Père ». Et il nous apprend la prière du Notre Père. Nous en avions parlé il y a un an dans les conférences de Carême de la communauté. L'année dernière, ces conférences portaient sur le Notre Père. Donc, la liturgie, c'est d'abord entrer dans la prière de Jésus. Entrer dans la prière de Jésus, nous le vivons d'une manière particulière, évidemment, dans la messe. La messe, c'est la grande action de grâce de Jésus à son Père. Dans la messe, tout est adressé au Père. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui se tourne vers son Père et il nous invite à entrer dans sa prière de louange et d'action de grâce, sa prière d'adoration, sa prière de supplication adressée au Père. En particulier, nous le voyons dans la prière eucharistique. « Toi, Père très aimant, vraiment, tu es saint, tu es la source de toute sainteté. » Les prières eucharistiques s'adressent en Jésus, dans l'Esprit Saint, par Jésus dans l'Esprit Saint, s'adressent au Père. La liturgie, c'est la prière du Christ dans laquelle nous entrons, mais pas seulement la prière du Christ tête, mais aussi des membres. C'est la prière de l'Église, d'où cette mention exercée par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le Christ et par ses membres. La liturgie, c'est l'œuvre du Christ, c'est la prière du Christ, mais c'est aussi, et par conséquent, on pourrait dire, la prière de l'Église, c'est-à-dire du corps du Christ. Ce n'est pas seulement le Christ tête, mais c'est le Christ qui entraîne ses membres, qui entraîne le corps dans sa prière, qui les entraîne à sa suite pour prier avec lui et par lui. Prière du Christ, prière de l'Église, prière dans laquelle nous sommes par conséquent invités à entrer. Elle est le modèle de notre propre prière, cette liturgie. Cette liturgie, elle est le modèle de notre propre prière et elle nous appelle, j'en reparlerai à la fin, à une certaine désappropriation parce qu'évidemment, la liturgie, ce ne sont pas nos propres mots, mais ce sont les mots du Christ et de l'Église dans lesquels nous sommes appelés à nous fondre, à nous introduire en quelque sorte pour les faire nôtres. Et puis la liturgie, je termine par là cette longue introduction, la liturgie, elle est un culte public. Donc la liturgie n'est pas une prière privée, mais c'est une prière publique. Le culte public, nous rendons un culte, nous rendons une louange, nous rendons une action de grâce, nous rendons un culte. Nous, c'est le culte, c'est vraiment les actes de ce qu'on appelle chez les théologiens la vertu de religion, c'est-à-dire cette vertu de religion, c'est celle qui nous conduit, qui nous met en présence de Dieu, qui nous invite à rendre à Dieu ce qui lui est dû, évidemment avec nos limites. Ne vont pas rendre à Dieu tout ce qui lui est dû, puisque tout lui est dû. Mais ce culte, eh bien, nous essayons de lui rendre ce que nous pouvons, de répondre à sa majesté en lui rendant ce culte qui implique toute notre personne et toute l'Église. Ce culte public, intégral. Et puis un dernier élément dans cette définition que nous pouvons retenir, ce dernier élément, c'est que cet exercice il est dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles. Évidemment, là, on approche la réalité des sacrements. Les sacrements, ce sont des signes sensibles par lesquels Dieu nous donne sa grâce. Des signes sensibles, efficaces de la grâce que Dieu veut nous donner, qu'il nous donne vraiment dans chacun des sacrements. On le verra au fil de ces conférences. Évidemment, les sacrements ont une place particulière dans la liturgie. Et au sommet des sacrements, eh bien, le plus haut d'entre eux, l'Eucharistie, dans lequel Jésus se rend présent personnellement pour se donner à nous. Voilà pour cette première partie introductive. Qu'est-ce que la liturgie ? Elle est la prière de Jésus, la prière de l'Église. Elle est un culte public avec forcément bien une codification du rituel. Voilà. Elle est rituelle. Et puis, au cœur de ce culte public, il y a les sacrements qui ont une place toute particulière, mais qui n'épuisent pas toute la liturgie. Il y a beaucoup d'autres liturgies, la liturgie des heures, les laudes, les vêpres, tous les offices. Il y a les bénédictions, il y a les funérailles, par exemple. Il y a tout un tas d'autres prières liturgiques que les sacrements, mais les sacrements ont dans la vie liturgique une place particulière. Nous avons parlé de ce culte. Et là, deuxième point peut-être qui peut nous arrêter. N'est-ce pas un peu étrange pour les chrétiens d'avoir maintenu un culte extérieur, un culte public? Parce que on pourrait se dire que le culte, ça ressemble un peu, ça a un peu un parfum d'Ancien Testament. Est-ce que c'est vraiment l'Évangile qui nous invite à rendre un culte à Dieu? Est-ce que finalement, le culte, ce n'est pas relié à tous ces sacrifices qui avaient lieu au Temple, à quelque chose de dépassé par Jésus qui nous appelle maintenant à autre chose que de rendre ce culte, cette liturgie à Dieu? C'est une grande question ça, dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église, et aussi peut-être un grand sujet d'opposition, parfois entre nous, parfois entre différents courants dans l'Église à travers les siècles et aujourd'hui certainement également. Alors, deux textes bibliques du Nouveau Testament qui peuvent nous mettre un peu en... nous introduire à ce dilemme, à cette question, à cette problématique. Le premier texte, c'est au deuxième chapitre des Actes des Apôtres. « Chaque jour d'un même cœur, les apôtres fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. » On a l'idée, dans ce chapitre 2 des Actes des Apôtres, qu'il y a une liturgie, avec beaucoup d'autres choses, c'est quelques versets auparavant qu'on parle aussi de la communion fraternelle, fraction du pain, prière, ils y sont assidus, mais il y a une liturgie. La fraction du pain, cela décrit ici, en tout cas désigne l'Eucharistie, la première manière de célébrer l'Eucharistie chez les apôtres, à l'époque des premières communautés chrétiennes, et puis là, vraiment du tout début, c'est-à-dire la communauté chrétienne de Jérusalem après la Pentecôte. Donc il y a l'idée dans les Actes des Apôtres de cette liturgie qui existe déjà, et on peut dire que chez saint Paul, il y a tout un tas de textes dans ses lettres qui parfois nous paraissent un peu étranges au milieu d'une lettre, qui ressemblent à des hymnes, un peu comme des chants liturgiques. L'hymne aux Philippiens, par exemple, l'hymne aux Éphésiens, des petits passages dans ces lettres qui ressemblent à des hymnes liturgiques. Ça ne rejoint pas tout à fait le genre épistolaire. Pourtant, saint Paul, on le voit bien parfois, vise vraiment le genre épistolaire jusqu'à entrer dans des détails, ce qu'on écrirait dans une lettre. « J'ai oublié mon manteau à tel endroit, rapporte-le-moi » ou etc., etc. Ou des détails pratiques qui appartiennent vraiment au genre d'une lettre. Mais au milieu de ces lettres, il y a comme des hymnes liturgiques. Ce n'est pas que saint Paul a composé des hymnes pour la liturgie, sans doute, mais plutôt qu'il a repris des hymnes qui étaient déjà chantés, récités dans la liturgie. Peut-être qu'il les a aménagés, transformés, modifiés, et qu'ils ont été utilisés dans cette version modifiée ensuite dans la liturgie, comme nous le faisons aujourd'hui quand nous chantons des hymnes issus de saint Paul. Mais en tout cas, il y a déjà la trace de cette liturgie. Donc il y a une liturgie déjà dans les Actes des Apôtres. Et d'un autre côté, Romains chapitre 12, saint Paul nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. » On voit en quelque sorte là que saint Paul explose la catégorie culte. Le culte, ce n'est pas d'aller au temple et de rendre des sacrifices comme on le faisait dans l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux, le sacrifice de l'encens, etc. C'est d'offrir sa vie. Ce culte agréable à Dieu, c'est d'offrir sa vie. C'est de lui offrir notre personne tout entière. Et là, ça rejoint un peu la réponse, vous vous souvenez, au chapitre 4 de saint Jean, la réponse que Jésus fait à la Samaritaine quand elle lui dit « Est-ce que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer ou chez nous, les Samaritains, dans ce temple que nous avons construit sur la montagne sur laquelle nous, nous adorons Dieu ?» Et Jésus lui répond « Certes, le salut vient des Juifs, donc il souligne que le vrai culte d'adoration pour les Juifs, ceux qui cherchent à observer la volonté de Dieu, c'est le temple. » Mais il dit « Le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » L'adoration, elle est en esprit et en vérité. Alors est-ce que cela, ça invalide le fait d'avoir un culte avec des rituels, avec des positions du corps, l'agenouillement, être debout, être assis, faire des processions, avoir des vêtements liturgiques, avoir beaucoup de symboles liturgiques? Est-ce que ça invalide tout ça, finalement? Ce qui importe, c'est la prière du cœur, la prière intime. Ce qui importe, c'est d'offrir sa vie, vraiment, concrètement. Ce qui importe, c'est la charité. Est-ce que l'un s'oppose à l'autre? Alors, vous vous doutez peut-être qu'en présentant les choses comme ça, je vais plutôt dire que les deux ne s'opposent pas. Mais il y a une raison très profonde à cela. C'est finalement le mystère pascal du Christ. Le mystère pascal du Christ. Sur la croix, Jésus réconcilie le culte et l'offrande de la vie. Parce que la croix est un vrai sacrifice qui abolit tous les autres sacrifices, comme le dira l'Épître aux Hébreux. La croix, c'est vraiment un sacrifice. Et Jésus a voulu lui donner un caractère rituel. Au cours du Jeudi Saint, au cours de son dernier repas, de sa scène, il donne un aspect liturgique à ce dernier repas avec ses apôtres. Cet aspect liturgique qu'il donne, nous allons le voir aussi sur la croix, il récite des psaumes. Il y a cet aspect rituel, il y a un véritable sacrifice rituel sur la croix. Et en même temps, ce sacrifice, eh bien, il est unique. Il ne prend pas l'apparence d'un sacrifice extérieur, puisque le Christ n'est pas seulement le prêtre, il n'est pas seulement celui qui offre, mais il est la victime, il s'offre lui-même, il offre sa vie. La dimension du culte, de l'adoration et la dimension de l'offrande, ces deux dimensions que les prophètes parfois avaient tendance à opposer en disant « attention au formalisme extérieur, attention » à ne pas simplement offrir des victimes animales, des sacrifices extérieurs, le sacrifice de l'encens, etc. Si vous n'avez pas un cœur brisé, un cœur broyé, un cœur humilié, si vous ne cherchez pas à donner votre vie, à vous convertir, ces sacrifices ne valent rien, eh bien Jésus réunifie tout cela sur la croix en se donnant véritablement lui-même. Et c'est pourquoi la liturgie, elle est fondamentalement fondée sur le mystère pascal du Christ, sur le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. À chaque messe en particulier est rendu présent le sacrifice, le mystère pascal de Jésus, sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors c'est une chose sur laquelle a beaucoup insisté Benoît XVI dans toute sa réflexion sur la liturgie. Vous savez que Benoît XVI était un pape vraiment très attentif à la liturgie. Dans tous les textes que le pape François écrit aujourd'hui sur la liturgie, il cite souvent Benoît XVI, il cite aussi souvent un des maîtres spirituels à la fois de Benoît XVI et du pape François, le théologien Romano Guardini, qui a écrit sur la liturgie parmi d'autres thèmes. Il a écrit aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et pour Benoît XVI, il y avait une unité fondamentale entre la sainteté et le sacré. Souvent, on peut entendre dire, pour les chrétiens, il n'y a plus vraiment de sacré au sens de choses qui sont de toute la ritualité, de toutes ces règles de pureté rituelle, comme il y en avait beaucoup chez les juifs, liées à la question dans l'Ancien Testament des purifications rituelles, des purifications alimentaires, toutes ces règles-là, qui peuvent nous paraître parfois très extérieures. Mais Benoît XVI nous le dit, le saint chrétien n'a pas abandonné, n'a pas aboli le sacré. Il nous l'écrit, le mystère sacré de Dieu, le grain de sénévé de l'Évangile ne s'identifie pas au monde. Ils sont destinés à imprégner le monde entier. C'est pourquoi nous devons retrouver le courage du sacré, le courage de l'identité particulière du chrétien, non pas pour restreindre, mais pour transformer, pour être vraiment dynamique. Le sacré nous rappelle cela. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à aller dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et quand nous venons à l'Église, eh bien nous venons entrer dans le monde de Dieu. Nous venons nous rappeler que nous ne sommes pas citoyens du monde, fondamentalement, mais d'abord citoyens des cieux, appelés à témoigner dans notre patrie terrestre, là où nous sommes, appelés à témoigner de cette primauté du ciel, de cette primauté de Dieu, de cet appel à la conversion, de cet appel d'une certaine manière à habiter au ciel avec Dieu. Et ça, le sacré, et dans le sacré, cette partie nécessairement rituelle, nécessairement ancrée dans certaines règles de séparation, c'est ça que signifie le sacré par rapport au profane. Le sacré s'oppose au profane, nous quittons le monde habituel, pour entrer dans le monde de Dieu, dans le monde divin, ce monde dans lequel nous avons été immergés dans notre baptême, où nous sommes devenus fils de Dieu, où nous sommes devenus appartenant à Dieu. Nous avons commencé à appartenir vraiment au Seigneur. Et cette phrase de Benoît XVI que je vous ai citée est très actuelle, évidemment, parce que nous avons vu, sans doute dans les malheurs des temps que nous vivons, eh bien, parfois comment finalement l'Église, en voulant s'immerger dans le monde au point d'oublier qu'elle était l'Église, qu'elle était forcément différente, qu'elle était forcément un signe de contradiction, qu'elle était forcément d'une certaine manière séparée, distinguée du monde, eh bien finalement, combien parfois l'Église n'a plus intéressé grand monde. Parfois l'Église, si on allait trouver à l'Église ce qu'on aurait pu trouver partout ailleurs, et la liturgie a été parfois le lieu de ce type d'expérience, eh bien finalement, on ne va plus tellement à l'Église, on ne voit plus tellement l'intérêt d'aller à l'Église, puisqu'on n'y rencontre pas tellement le monde divin, mais qu'on rencontre quelque chose d'un peu mondain, d'un peu trop proche de la réalité mondaine, de la réalité temporelle. Alors ce mystère pascal du Christ est le fondement de la liturgie. Il légitime aussi ce sacré. Il légitime de passer par le sacré, non pas pour y rester, non pas pour s'y enfermer, mais pour se laisser transformer par Dieu lui-même, pour lui ressembler, pour laisser l'Esprit-Saint nous rendre un peu plus divin, un peu plus saint, afin d'en témoigner aussi dans le monde. Troisième point maintenant, à partir de là, une fois que nous avons vu comment le mystère pascal du Christ, rendu présent dans la liturgie, nous invite à une transformation personnelle, communautaire aussi, par le sacré, voyons comment ce sacré se manifeste dans la vie liturgique. Et c'est mon troisième point, les défis du sacré dans la liturgie. Alors ce sacré se manifeste par un certain nombre de gestes rituels. Le sacré, ce sont d'abord des gestes, des symboles, des gestes qui partent de réalités vraiment matérielles, qui nous rappellent cette réalité de l'incarnation. Le Seigneur, en particulier dans les sacrements, utilise des réalités matérielles, l'eau, le pain, l'huile. Il utilise dans la liturgie, à travers la ritualité de l'Église, il utilise l'encens, il utilise la lumière. Nous vivons dans la liturgie dans un monde de symboles, comme le dit Romano Guardini justement. Nous vivons dans un monde de symboles. Alors le défi, c'est de comprendre à quoi correspondent ces symboles, de comprendre pourquoi nous utilisons tel symbole. Et cela, nous essaierons de vous faire découvrir au cours de ces conférences. Mais c'est vraiment une invitation pour nous, pour chacun de nous, chrétiens, à approfondir ce trésor de la liturgie, à essayer de comprendre pourquoi il y a tel geste, pourquoi il y a tel symbole, pourquoi il y a ce lavement des mains à tel moment dans la liturgie, pourquoi le prêtre se lave les mains, pourquoi il y a tel vêtement liturgique, pourquoi telle couleur liturgique est utilisée à tel moment. Tous ces symboles qui sont si importants, qui viennent rehausser la liturgie, qui viennent nous aider à prier sur de la beauté, comme le disait le pape Saint Pie X en parlant du chant grégorien. C'est une invitation à prier sur de la beauté. Nous avons besoin de cette beauté, peut-être plus que jamais dans notre monde. Nous avons besoin d'être témoins de la beauté de Dieu. Il y a les gestes, il y a bien sûr les paroles. Et là, un autre défi se présente à nous, bien résumé par Saint Benoît dans sa règle, à travers une petite formule, « Mens concordet voci », que notre esprit corresponde, concorde, s'unisse aux mots que nous prononçons. Et ça, c'est le défi dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure. Eh bien, forcément, ce défi de faire nôtre des mots qui ne sont pas les nôtres au départ, mais de les faire vraiment nôtres. Alors là, nous avons beaucoup de choses parfois à approfondir, en découvrant un peu plus ce que veulent dire les prières eucharistiques. Pourquoi ne pas lire parfois dans un missel, dans tout ce qui nous est donné pour nous aider à vivre la liturgie, bien de lire vraiment les paroles de la prière eucharistique pour comprendre ce que signifient ces mots. Parfois, ce langage est éloigné, et c'est normal, il est un langage divin, il est un langage un peu surnaturel, il est un langage un peu séparé, sacré. Eh bien, qu'est-ce que ces mots veulent nous dire, qu'ils soient prononcés en latin ou dans les langues vernaculaires, en français ou dans toutes nos langues habituelles? Eh bien, il y a toujours un langage du sacré qui nous dépasse un peu et que nous sommes invités à approfondir. Le latin particulièrement nous rappelle cela, mais c'est vrai aussi dans toutes les langues de célébration possibles de la liturgie. Et puis il y a un langage de la liturgie qui est aussi le langage du silence, le langage de l'adoration, en particulier à la messe, l'élévation. Quand nous regardons l'hostie, quand nous regardons le calice, nous adorons le corps et le sang du Christ dans un esprit de silence et de recueillement, cet esprit d'adoration si propre à la liturgie. Les gestes, les paroles, et bien sûr aussi les positions de notre corps. Nous glorifions Dieu avec notre corps dans la liturgie. Nous nous mettons à genoux pour adorer, pour faire pénitence. Nous nous mettons debout pour proclamer, pour être attentifs. Nous nous mettons assis pour méditer. Toutes ces positions du corps sont importantes. Nous marchons en procession pour nous rappeler que nous allons vers Dieu, que notre vie est un pèlerinage. Tout cela, c'est une implication de notre corps dans la liturgie. Alors terminons peut-être justement en voyant que la liturgie est le centre, la source et le sommet de la vie de l'Église, comme le Concile Vatican II le dit à propos de l'Eucharistie. La liturgie est vraiment une source, nous allons nous y nourrir. Nous allons nous y nourrir pour devenir saints, nous allons nous y nourrir pour transformer le monde aussi, pour être missionnaires. C'est le sens qu'au fil du temps, l'ite missa est, aller dans la paix du Christ, a pris à la fin de la messe, une sorte d'envoi en mission. Au départ, il n'avait pas ce sens-là, mais petit à petit, c'est cet envoi en mission qu'il est venu signifier. À la fin de la messe, nous sommes appelés à nous tourner vraiment vers le monde, à sortir de l'Église pour sanctifier le monde. En ce sens, la liturgie est missionnaire et nous en faisons peut-être plus que jamais l'expérience avec tous ces recommençants, ces catéchumènes qui viennent parce qu'ils sentent le besoin d'aller à la rencontre de Dieu dans la liturgie pour vivre de sa présence, pour vivre de sa grâce et pour ensuite en être témoins autour d'eux. Voilà ce que nous essayerons de vivre pendant ce carême d'une année jubilaire avec une importance particulière que la liturgie nous guide. Ce temps du carême est particulièrement approprié pour rendre plus forte, plus ardente notre spiritualité liturgique. Les textes du carême sont beaux, que ce soit les oraisons, les lectures, les évangiles. Ne perdons pas ce trésor, mais essayons chaque jour, en tout cas chaque dimanche, si nous le pouvons, de lire vraiment ces textes, de méditer les textes de la liturgie pour en faire notre nourriture, pour en faire un peu la matrice de notre vie de prière, la matrice de notre vie spirituelle. Nous essayerons de vous y aider pendant ces conférences tout au long du carême et déjà à partir de la semaine prochaine avec Don Léonard qui vous parlera de la présence de Dieu dans la liturgie, comment Dieu se fait proche de nous dans la liturgie. Merci et à bientôt.